Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. France Inter. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1816, René Caillé, l'explorateur de Tombouctou. L'histoire de René Caillé symbolise à elle seule la force que peut avoir le rêve. Marqué par l'infamie d'être fils de bagnard, cet apprenti cordonnier des Deux-Sèvres n'a qu'une obsession depuis l'enfance, partir. Partir à la découverte de l'Afrique et surtout voir Tombouctou, cette cité mythique et interdite, réputée depuis des siècles pour sa richesse et sa splendeur. Nourri de la lecture des récits des grands voyageurs du passé, ce rêve, comme souvent, n'aurait pu rester qu'un rêve. Mais en 1816, René Caillé, à 17 ans, sans un sou en poche, s'embarque à Rochefort pour le Sénégal. Quelques années plus tard, le jeune homme, qui entre-temps a appris l'arabe et étudié le Coran, s'invente une nouvelle identité, celle d'un musulman égyptien, ancien esclave, qui retourne dans son pays à travers le Sahara. Et en 1827, vêtu d'un simple burnous, René Caillé entame sa marche vers l'intérieur de l'Afrique. Une longue marche qui le conduira à Tombouctou et dont, par miracle, il reviendra vivant. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alain Kella-Villéger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des récits de voyage, notamment les récits de Pierre Loti, et vous avez consacré un livre à René Caillé, donc un explorateur français qui curieusement était assez peu connu en France. René Caillé pourtant est le premier occidental à entrer dans Tombouctou et surtout à en revenir vivant. Quelle place il occupe dans le panthéon des grands explorateurs ? Ah, c'est effectivement un peu le drame de René Caillé d'être sous-estimé et mal connu. Jules Verne disait justement, s'il avait été britannique, on l'encenserait autrement. En France, il a été vite oublié. Alors, c'est vraiment un bel explorateur, un véritable voyageur parti de rien, qui réussit évidemment un voyage sans aucun moyen de connaissance dont on pourrait disposer aujourd'hui, pour aller jusqu'à Tombouctou. Beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, et une vraie empathie pour l'Afrique, évidemment, en plus. C'est un bel individu. Avant d'entamer le récit du voyage de René Caillé, pouvez-vous, Alain Kella-Villéger, nous rappeler ce qu'est l'Afrique de l'Ouest à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle et où en est la connaissance, par les Occidentaux évidemment, de sa géographie, de sa cartographie ? Connaissance ou ignorance, justement, c'est que l'Afrique noire, en tout cas, est encore fort mal connue. Elle est connue avant tout par les côtes, évidemment, des fréquentations qui sont celles du littoral, du cabotage, des comptoirs. Mais l'intérieur de l'Afrique est inconnu. On imagine encore qu'il y a un immense désert, sans doute, à l'intérieur. On s'interroge sur les sources du Nil, sur le circuit du Niger. On a donc quelques bribes d'informations très indirectes par des textes arabes, médiévaux, etc. Mais c'est une grande inconnue. L'Afrique est vraiment obscure et fait l'objet évidemment de ce 18e siècle qui est un siècle d'exploration autour du monde. Elle fait évidemment l'objet de grandes quêtes, sinon conquêtes, notamment de la part des Français et des Britanniques. C'est le commerce qui a fait connaître le littoral africain, en tout cas le littoral de l'Afrique de l'Ouest. Oui, de toute manière, depuis les grands voyages d'exploration du 15e, du 16e siècle, le commerce a été un élément important. Bien sûr aussi la recherche savante, la botanique, etc. Mais la fin du XVIIIe siècle, avec évidemment le passage par l'obsession de la connaissance, du savoir, va s'intéresser. L'Amérique du Sud, c'est réglé. Et donc l'Afrique reste le continent noir au sens propre du mot, dont on ne sait pas grand-chose, et qui est l'objet évidemment de beaucoup d'enjeux et de rivalités, oui. Il y a eu quand même aussi la traite négrière qui a occupé beaucoup les Occidentaux au XVIIIe et XIXe siècle. Oui, mais cette traite, elle passait avant tout par le littoral. général. Ce sont d'autres populations africaines qui se chargeaient de rapatrier vers la côte les esclaves qu'on allait faire partir vers l'Amérique ou ailleurs. Et donc, à la fin du 18e, début 19e, qu'est-ce qu'on sait de Tombouctou, cette ville donc située près du fleuve Niger, au sud du Sahara, dans l'actuel Mali? Tombouctou, c'est, je dirais, c'est à la fois un mythe, puis c'est un enjeu. Un mythe parce que on a des textes, justement, médiévaux, arabes, quelques témoignages très indirects qui font que cette ville, elle est connue en termes d'existence. C'est un mythe parce qu'on croit que c'est un véritable Eldorado, que c'est une capitale qui doit être absolument fabuleuse. Mais c'est une énigme parce que personne n'y est vraiment allé, en tout cas n'en est revenu. Et puis enjeu parce que, tout simplement, c'est l'objet des rivalités franco-britanniques qui sont soucieuses par leur gouvernement ou par leur société savante, de connaître justement cette Afrique. Et dans cette Afrique de l'intérieur, Tombouctou, c'est la Lune, quoi, c'est la planète Mars. Faut vraiment aller à Tombouctou, c'est une obsession. Pourquoi est-elle interdite? On dit qu'elle est interdite parce qu'elle est musulmane? Alors, beaucoup de fantasmes. L'idée qu'elle est interdite, c'est surtout parce qu'on la trouve inaccessible. Elle est de l'autre côté du désert. C'est pas la même chose, oui. Et on n'a pas encore traversé le désert. Le Sahara, les premières grandes traversées vont se faire à ce moment-là. Et donc, la question, c'est comment d'abord, on ne sait pas où c'est, et c'est comment y parvenir, soit par la Méditerranée, par le Caire, par Tripoli, soit par la côte africaine, justement, de la Guinée, du Sénégal. Et donc, on ne sait pas comment y aller. Et effectivement, il y a l'idée que c'est une terre un peu sacrée, sans doute un peu difficile à aborder parce qu'il y a des empires, parce qu'il y a évidemment des guerres intérieures, plus ou des rébellions, etc. Donc on sait que c'est dangereux. Il y a eu quand même un explorateur écossais, Mungo Park, qui a été soutenu par l'African Association, donc une association qui cherche justement à développer les explorations en Afrique, qui est parti en 1795. Donc les Britanniques avaient une petite longueur d'avance sur l'exploration de l'Afrique. Oui, et puis Mungo Park est une figure magistrale de ce point de vue-là, mais qui s'y reprend à deux fois. Mais il n'y parvient pas. Et René Caillé étant gamin, lit bien sûr le récit de Mungo Park, qui est évidemment la référence en la matière, mais d'autres voyageurs avaient précédé d'ailleurs Mungo Park. Alain Kella-Villéger, on poursuit tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien. Tout de suite, 1816, René Caillé, l'explorateur de Tombouctou, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossir. Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un imbécile aux yeux de ces écrivains paresseux et superbes qui, assis à leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde sans avoir jamais rien observé par eux-mêmes. Comme c'est bien dit. J'ai bien dû lire une centaine de fois Le Voyage autour du monde. Pourquoi faut-il que je me sente plus proche de ce cher Bougainville ou de ce cher Daniel Defoe et son Robinson que de n'importe lequel de mes camarades de village? Ah. Voilà Brunet qui arrive. Il faut que je termine de réparer les bottes de Monsieur Mirambeau avant ce soir, sinon ce vieux bouc va me le retenir sur mon salaire. Au prix qu'il me paye, je désespère pouvoir un jour aller aux Amériques. Mon oncle a voulu me guérir de mon goût des voyages en me retirant de l'école et me faisant apprendre le plus sédentaire des métiers, cordonnier. Mais s'il savait à quel point j'étouffe dans le marais Poitevin. Non. Non, le bonheur du foyer, les émotions ordinaires d'un homme ordinaire, rien de tout cela n'est fait pour moi. Je brûle d'un feu que rien ne peut éteindre et qui ne pourra s'apaiser qu'en explorant le vaste monde. Septembre 1815. René Caillé n'a que 16 ans, mais il ne rêve que d'aventure. Pourtant, rien dans son histoire familiale ne l'encourage à un tel destin. Son père, un boulanger des Deux-Sèvres, a été condamné au bagne peu après sa naissance pour un vol mineur. Sa mère a alors décidé de déménager à Rochefort pour être près de lui. Mais ses visites à ce père enchaîné sur le port de Rochefort marqueront durablement le jeune René. Après la mort de son père, suivie de peu de celle de sa mère, il est retourné vivre chez un oncle, à Mosé, en Charente. Mais l'adolescent porte la honte d'être fils de bagnard. Grâce à l'instituteur du village qu'il a pris sous son aile, il s'est réfugié très tôt dans les livres et particulièrement dans les récits de voyage qu'il dévore. En janvier 1816, à la mort de sa grand-mère maternelle, René Caillé sent que désormais, Plus rien ne le retient en France, malgré son affection pour sa sœur. Céleste, où es-tu donc? J'arrive. Faut que j'étende mon linge. Je reviens de chez le notaire. La vigne de grand-mère est vendue. Combien? 200 francs, sonnant et trébuchant. C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est plus d'argent que tu n'as jamais vu de ta vie. 2307? Il aurait pu en tirer plus. M'étonnerait pas qu'il en ait gardé un peu sous sa manche. Moi, je m'en fiche. Je n'ai besoin que de 60 francs. Garde le reste, si tu veux. 60 francs? Et pourquoi faire? Pour aller jusqu'à Rochefort. Mais tu vas rentrer quand? Dans quelques années, si tout va bien, je vais m'embarquer pour l'Afrique. Pour l'Afrique? Eh ben, c'est pas la porte à côté. Une expédition se prépare. La France veut récupérer ses territoires d'Afrique suite au traité de Paris. 4 bateaux se préparent à partir de Rochefort. Tu m'entends? 4. L'un d'entre eux me prendra bien à son bord. Ça ne t'a donc pas suffi de voir notre père enchaîné comme une bête de somme sur le port? Tout ça pour crever comme un chien au milieu des bateaux? Ça n'a rien à voir, Céleste. Rien à voir? Est-ce que tu crois que tu seras mieux traité sur ton bateau? Tu seras leur esclave, oui. Et les maladies, tu y as pensé? Et si le bateau coule? La crainte du danger est 1000 fois plus terrifiante que le danger présent. C'est Daniel Defoe qui l'a écrit, dans Robinson Crusoe. Tiens, à propos, garde-les, s'il te plaît. Ce sont mes livres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je sais pas lire. Garde-les jusqu'à mon retour. Je peux pas les prendre. René, j'ai peur pour toi. Rappelle-toi ce que oncle Barthélemy t'a dit. Tu vas être loin de tout, de ton pays, de ta famille. Tu vas risquer ta vie chez les sauvages? Et tout ça pourquoi? Pour ne pas rester ici. Et pourquoi ce serait mal de rester ici? Tu veux pas te marier, avoir des petits, les regarder grandir? Je ferai ça plus tard, quand je serai vieux. C'est pas quand on est vieux qu'on fait ça. C'est quand on est jeune. Quelle femme dans le village voudra de toi quand tu auras passé 10 ans chez les sauvages? On te reconnaîtra plus? Peut-être que je reviendrai couvert d'or et d'argent. Et que je pourrai choisir n'importe quelle femme. Ou que j'épouserai une sublime reine d'Afrique. Que je deviendrai le premier roi blanc du Sahara. Arrête tes folies, va. Au moins, t'es pas comme papa. T'as jamais eu besoin de boire pour t'exciter l'imagination. Attends, montre voir. Quoi? Va falloir te trouver des souliers. Autrement, t'iras même pas jusqu'à Rochefort. Oh, c'est pas la peine. Cela iront très bien. Parce que tu crois que tu vas traverser le marais avec des souliers troués? Ce serait bête d'attraper la mort à la sortie du village, non? Pour un grand explorateur. Allez, arrête. Donne-moi ton linge. Je vais t'aider. Céleste organise une collecte dans le village et le 21 avril 1816, René Caillé prend la route avec une paire de souliers neufs. Il arrive à Rochefort et se fait embaucher comme domestique sur le navire Le Loire. Le 20 juillet, il débarque à Dakar. De là, il embarque pour les Antilles et rencontre un négociant bordelais qui l'engage à son service. Mais si l'adolescent a mûri, pendant 7 ans, son rêve de devenir un explorateur ne l'a jamais quitté. Le 18 mars 1824, René Caillé, âgé maintenant de 29 ans, est reçu à Dakar par le gouverneur du Sénégal, le baron Roger. Caillé est un jeune homme de mérite qui a témoigné dans l'apprentissage du commerce de grande qualité. Il a fait preuve de bravoure et d'intelligence dans maintes situations difficiles. Signé d'un certain Sourget, c'est votre employeur? Oui, monsieur le gouverneur. Fort bien. Et en quoi puis-je vous être utile? Si je me suis consacré ces 10 dernières années au commerce, monsieur le gouverneur, ce n'était pas ma vocation première. C'est parce que cette activité me permettait de me familiariser suffisamment avec ce pays pour pouvoir pénétrer un jour à l'intérieur de l'Afrique. Et pourquoi donc vouloir aller à l'intérieur? Pour pouvoir entrer dans Tombouctou, monsieur, et attribuer à mon pays la gloire de cette expédition. Ah, Tombouctou, décidément. Ils n'ont tous que ce nom-là à la bouche. Combien j'ai reçu de jeunes gens comme vous dans ce bureau qui s'imaginent qu'on traverse l'Afrique comme les plaines de la Beauce? Savez-vous combien d'Occidentaux se sont rendus à Tombouctou? Oui, le premier était un Anglais, Thomson, en 1588. Depuis, il y en a eu 42. 25 étaient Anglais, 14 Français. 23 l'ont fait en partant de la côte ouest du continent et en passant par la Gambie. 19 en traversant le pays Mandingue. Tous sont morts sur le chemin de l'aller ou du retour pour les plus chanceux. Eh bien, votre connaissance des explorateurs est impressionnante. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous reviendrez vivant? Rien, monsieur le gouverneur. Mais je prendrai des notes que je confierai à mon guide. Si je meurs, il a l'instruction de les envoyer à ma sœur. C'est elle qui ira recevoir le prix. Quel prix? Celui de la Société de Géographie, monsieur. Elle offre 10 000 francs au premier voyageur qui parviendra le premier à Tombouctou par la voie de la Sénégambie. À mon sens, c'est là une manière bien aléatoire de faire fortune. Si vous voulez mettre votre sœur à l'abri du besoin, je vous conseille de rester derrière votre comptoir à vendre de la gomme aux indigènes. D'autant que ce pays ne manque pas de ressources. Savez-vous que notre première récolte d'arachides dépasse nos espérances ? On pourrait vous trouver un poste de négociant. Monsieur le gouverneur, je vous remercie, mais je ne veux pas être négociant. Je veux être explorateur. La question de Tombouctou et de la source du Niger est primordiale, autant que celle des sources du Nil. Il est probable que les Anglais résoudront bientôt le mystère des sources du Nil, mais nous sommes mieux implantés qu'eux dans l'ouest de l'Afrique. Et la gloire de rentrer dans Tombouctou doit revenir à la France. J'ai l'impression d'entendre Jeanne d'Arc parler au dauphin. Vous avez une belle énergie, jeune homme. Mais vous n'avez pas d'argent, pas de naissance, pas de protecteur. Sur quoi comptez-vous pour réussir ? Sur ma faiblesse, Excellence. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui n'a rien à perdre. L'inconscience fait beaucoup en ce genre de choses. Mais ne suffit pas toujours. Monsieur le gouverneur, écoutez-moi. Le principal obstacle pour entrer dans Tombouctou n'est pas, comme le croyaient mes prédécesseurs, le soleil, le climat ou les maladies. Non. Le facteur le plus mortel, c'est l'homme. En l'occurrence, les Arabes ont pénétré partout en ce pays parmi les populations noires. Ils y ont implanté la haine des chrétiens et mis les Européens hors la loi. Et comment ferez-vous pour les faire changer de sentiment ? Je vais me faire passer pour un musulman élevé par des Blancs qui veut renouer avec la religion de ses ancêtres. Je suis né de parents égyptiens à Alexandrie. Puis j'ai été enlevé par l'armée de Napoléon et réduit en esclavage. Mon maître m'a amené avec lui en France, puis au Sénégal, où il devait se rendre pour ses affaires. À Dakar, il m'a rendu ma liberté. Depuis, je ne désire qu'une chose, renouer avec la religion de mes ancêtres et faire le pèlerinage de la Mecque. Je parle déjà couramment l'arabe. Mais il faut m'imaginer en habit musulman, je vous assure que le résultat sera convaincant. Et naturellement, pour voyager, vous avez besoin d'argent. Malheureusement, sans le soutien officiel de notre gouvernement, je ne peux pas vous venir en aide. Évidemment, on ne prête qu'aux riches. Au revoir, monsieur le gouverneur. Attendez. Je peux vous aider d'une autre manière. Pour que votre déguisement atteigne la perfection, il vous faudrait passer quelque temps en immersion parmi les Arabes. À quoi pensez-vous ? Je peux vous confier quelques marchandises qui vous permettront de passer pour un marchand et de rejoindre la tribu des Brakna. Ce sont des nomades qui vivent sur la rive droite du fleuve Sénégal, au nord-est de Saint-Louis. Si vous parvenez à les tromper, alors vous pourrez aller partout, car ils ont la réputation d'être extrêmement méfiants. C'est une excellente idée, monsieur le gouverneur. Du fond du cœur, je vous remercie. Non, ne me remerciez pas, car sans le vouloir, je vous envoie peut-être à la mort. Mon destin est de réussir ou périr, monsieur le gouverneur. Mais je suis certain d'une chose, je rentrerai dans Tombouctou. Le 3 août 1824, à 9h du soir, René Caillé, qui se fait désormais appeler Abdallah, quitte Saint-Louis et remonte le fleuve Sénégal. Il rejoint les Brakna et adopte leur vie exténuante. La marche à pied de pâturage en pâturage, les tempêtes de sable, le jeûne du ramadan en pleine chaleur. Il fait des allers-retours réguliers à Dakar pour se réapprovisionner en marchandises. Mais quelques mois plus tard, le baron Roger cesse de le soutenir. En effet, le gouvernement français a désormais un candidat officiel pour Tombouctou, Henri de Beaufort, un officier de marine qui est parti doté d'une forte subvention. Écœuré, René Caillé rejoint alors le Sierra Leone, tenu par les Anglais, pour demander de l'aide. Mais on lui répond qu'un officier écossais, le major Lang, est déjà sur les rangs. Du tabac. René Caillé comprend alors qu'il ne devra plus compter que sur lui-même. Il paraît que cette poudre fait des miracles contre le paludisme. Deux boussoles. Au cas où j'en perdrais une. Et un Coran. Mince, j'ai plus de place dans mon sac. Je vais détacher les feuillets et en remplir mes poches. Et dire qu'il a fallu presque un an pour réunir toutes ces marchandises. Alors que le baron Roger aurait pu m'aider. Mais non, ces beaux messieurs de Dakar me prennent tous pour un misérable vagabond. Désormais, je me sens plus proche du plus pauvre des paysans africains que de mes compatriotes. Qu'à cela ne tienne, j'arriverai à Tombouctou, mort ou vif. Le 22 mars 1827, René Caillé arrive à Kakondi, en Guinée. En échange d'un bœuf, 5 indigènes mandingues accompagnent le jeune homme à travers les montagnes du Fouta Djallon. René Caillé est en extase. Grâce à son guide arabe, Lamfia, il découvre des paysages enchanteurs et des populations accueillantes. Mais au fur et à mesure que l'expédition s'enfonce dans les terres, l'hostilité des indigènes à l'égard des Blancs s'accroît. Peu à peu, l'étonnement se transforme en méfiance. Mais René Caillé répète inlassablement son histoire en l'accompagnant de forces récitations du Coran qui déjouent les soupçons de ses interlocuteurs. Le 13 juin 1827, il franchit le Niger en pirogue. Mais aussitôt arrivé au village de Cancan, la fièvre l'oblige à se coucher chez un habitant qui lui offre l'hospitalité. Quelques jours plus tard, à la nuit tombée, allongé sur un lit de camp, il s'entretient avec Lamfia, assis en tailleur à côté de lui. « Comme il me tarde de repartir. Demain, fièvre ou pas, j'irai trouver le chef du village pour lui demander l'autorisation de franchir son territoire. »« Il vaudrait mieux attendre encore quelques jours. Des rumeurs courent à ton sujet. » Lesquelles ? Les villageois disent que tu es un traître, un infidèle qui se déguise pour les tromper. Tout le village pense ça ? Non, mais beaucoup disent qu'il est impossible pour un blanc de connaître le Coran par cœur sans avoir la foi. Ils croient aussi que les blancs ne savent se déplacer qu'en bateau et qu'ils mourraient tout de suite dans le désert. Et que leur as-tu dit ? Je leur ai demandé quel intérêt tu aurais à endurer un voyage aussi pénible uniquement pour les tromper. Ils m'ont répondu que les Blancs étaient entassés sur des toutes petites îles où il fait froid et qu'ils ne rêvent que d'une chose, s'emparer de notre pays, qui est le plus beau du monde. Hélas, ils n'ont pas tout à fait tort. Et le chef du village ? J'ai entendu qu'il allait te convoquer demain. Mais s'il pense que tu es un menteur, il te jettera au crocodile. Tu sais, depuis tant d'années que je me prépare à ce voyage, je me suis habitué à l'idée de mourir. Comme l'a dit Vasco de Gama, la vraie mort est préférable à une vie sans vivre. Mais tu peux encore rentrer chez toi, retrouver ta famille. Tu n'es pas obligé de finir au fond d'un fleuve par orgueil. Tu as dit le mot. Par orgueil, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Tu m'imagines rentrer dans mon village et retrouver mon échoppe de cordonnier ? Non. Mais pourquoi risques-tu ta vie ? Tout ça pour voir Tombouctou ? Vous n'avez donc pas de ville chez vous ? Si. Si, bien sûr. Mais depuis que je suis enfant, j'ai une idée fixe. Aller dans un endroit où personne de ma race n'est allé avant moi. N'est-ce pas exaltant ? Eh bien moi, on me donnerait un troupeau de 1000 bœufs pour aller dans ton pays que je n'irai pas. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Si tous les hommes étaient comme toi, il n'y aurait pas d'explorateurs. Chaque peuple vivrait replié sur lui-même, sans savoir qu'il existe d'autres contrées, d'autres climats, d'autres animaux. Et alors, si tu es heureux dans ton village, qu'est-ce que ça t'apporte d'aller au village d'à côté ? Vous, les Blancs, vous ne voulez pas connaître les autres peuples. Vous voulez vous approprier leurs richesses. Pas moi, Lamfia. Je te jure que je ne veux rien m'approprier. Je repartirai de Tombouctou aussi pauvre que je suis venu. Non, car tu auras gagné un ami. Cette fois, c'est à mon tour de te citer un proverbe de mon pays. Celui qui ne possède rien donne son cœur et devient riche. Le lendemain, René Caillé est convoqué chez le chef du village pour un interrogatoire en règle. Il est sauvé par sa connaissance impressionnante du Coran. À la fin de la séance, l'imam fait une annonce à la mosquée devant 1200 fidèles. Le blanc est un vrai musulman. Soulagé, notre explorateur reprend la route. C'est alors que commence la saison des pluies. Refusant de s'arrêter, il continue sa progression, obstiné, sous des averses torrentielles qui tombent jour et nuit. Ses pieds blessés s'infectent et l'humidité les empêche de cicatriser. Épuisé, René Caillé est obligé de s'arrêter dans un village où un Africain, Baba, lui prête une case. C'est alors qu'il est victime du cauchemar des voyageurs, une attaque de scorbut. C'est l'horreur. Une partie de sa mâchoire se détache. La mère de Baba lui applique des cataplasmes, mais rien n'y fait. Il maigrit à vue d'œil et la douleur l'empêche de fermer l'œil de la nuit. Ainsi donc, je ne verrai jamais Tombouctou. Je ne saurais même pas à quelle distance je m'en étais approché. Combien de jours me reste-t-il à vivre? 2, 3? Je dois faire peur à voir, car plus aucun villageois ne vient me voir, à part la mère de Baba. Je peux pratiquement plus rien avaler, mis à part l'eau du riz qu'elle me donne à la cuillère. Je vais mourir comme les autres, seul dans un pays sauvage, comme un chien. Comment ai-je pu penser que j'allais survivre, alors que tous les autres sont morts? Quelle folie m'a pris! Ne suis-je pas un homme comme eux? Une poussière de vie dans l'univers, qu'un insecte, un microbe peut tuer. Qu'aurais-je laissé derrière moi dans cette vie? Même celle de mon père, enchaîné au port de Rochefort, a eu plus de sens que la mienne, puisqu'il a eu une descendance. De moi, il ne restera bientôt plus rien que le corps d'un blanc, bientôt abandonné aux bêtes sauvages. René Caillé passe 6 semaines entre la vie et la mort, puis il guérit miraculeusement. Tenant à peine sur ses jambes, défiguré par le scorbut, il se remet en marche. En mars 1828, à 500 km de Tombouctou, il arrive à Djéné. Il est ébloui par la splendeur de la ville, ancienne capitale du royaume Songhaï, qui conserve un rôle économique important. Son apparence misérable lui permet de tromper plus facilement ceux qui l'approchent. Personne ne se méfie de ce blanc squelettique qu'on prend pour un illuminé. Pris de pitié, un riche négociant mort offre de l'héberger. Mais René Caillé n'est pas tranquille dans cette ville interdite aux non-musulmans. Plus que la mort, il redoute l'esclavage. En attendant une occasion d'embarquer pour Tombouctou, il passe son temps à la mosquée. C'est alors qu'il est invité à dîner chez Oulad Marmou, un notable de la ville, invitation qu'il ne peut refuser. Je crois bien que cela fait plusieurs années que je n'ai pas vu un pain aussi léger et un sucre aussi blanc. Chez nous, l'hospitalité est la première des vertus. Est-ce ainsi chez les chrétiens? Oui. Mon maître recevait souvent les notables de Dakar chez lui. Ton maître devait être un homme généreux pour te remettre en liberté plutôt que de te vendre. Mais c'est vrai que tu es tellement maigre qu'il n'aurait pas pu te vendre très cher. Il s'est occupé de moi comme d'un fils. Je lui ai parlé si souvent de mon désir de renouer avec ma religion qu'il m'a laissé partir. Et les autres chrétiens? Traitent-ils leurs esclaves aussi bien que nous? Tu auras remarqué que les nôtres ne manquent de rien. C'est vrai. Ceux que j'ai vus au marché hier étaient bien nourris. À vrai dire, leur sort n'est pas pire que celui d'un paysan français, si ce n'est que rien ne peut compenser la perte de la liberté. Tu crois cela? Et qu'en feraient-ils de leur liberté? Eh bien, ils pourraient aller et venir à leur guise. Ils auraient la liberté de mourir de faim, d'être volés par des brigands ou dévorés par un lion, alors que leur maître les nourrit et s'occupe d'eux, au point qu'ils valent de plus en plus cher. Aujourd'hui, un homme jeune et en bonne santé vaut une barre de sel. Tu te rends compte? D'ailleurs, je pourrais t'en céder un des miens contre quelques-unes de tes étoffes. Je vous remercie de votre offre généreuse, mais je pensais vendre mes marchandises à Tombouctou. Oublie Tombouctou. Là-bas, tu ne les écouleras pas facilement. Les caravanes passent toutes ici ou par Bamako à cause des mines d'or de Bourré. Qu'est-ce que tu as d'autre? Des grains de verre, de l'ambre et du corail. Oh. Viens me voir demain. Si tu ne veux pas d'esclaves, je te les rachèterai pour un très bon prix. D'accord? D'accord. Eh bien, notre marché est conclu. Ici, on scelle un marché par des cadeaux. Tiens, voilà un pantalon, une tunique et un turban tout neuf. Merci, mon ami. J'en ai bien besoin, en effet. Hélas, je n'ai presque rien à vous offrir, à part cet objet qui ne m'a pas quitté depuis le début de mon voyage. Qu'est-ce que c'est ? En Europe, les chrétiens portent cela pour se protéger de la pluie. On appelle cela un parapluie. Ils ont décidément d'étranges inventions. Mais c'est un bel objet. Le pommeau est en ivoire, la toile est belle. Ouh ! Qui sait, peut-être que je lui trouverai une utilité. À propos, sais-tu qu'un chrétien a été découvert à Tombouctou ? Non, je savais pas. Quand ça ? Il y a quelques mois. Il a été arrêté par une caravane à la sortie de la ville. Un chef de tribu lui a offert d'avoir la vie sauve s'il reconnaissait le prophète Mahomet. Mais il a refusé. Alors deux esclaves noirs l'ont étranglé avec son turban. C'est terrible. Vois-tu, j'ai du respect pour ce chrétien. Il est resté fidèle à son Dieu jusqu'au bout. Mais pourquoi est-il venu se jeter dans les bras de la mort ? Voilà ce qui m'échappe. Pas toi ? Si. Si, bien sûr. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'aucun individu saint d'esprit ne ferait une chose pareille. Quelques jours plus tard, René Caillé embarque à bord d'un bateau qui se dirige vers Tombouctou. Il est ébloui par la splendeur du fleuve Niger, mais il reste vigilant. Les Touaregs sèment la terreur dans la région, dépouillant et tuant les voyageurs. Il fait donc le voyage, jeté parmi les sacs de marchandises, cachés dans une couverture. Il est terrifié à l'idée de finir comme le major Lang, dont son hôte lui a raconté la mort atroce. Le 20 avril 1828, au coucher du soleil, René Caillé entre dans Tombouctou. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je devrais être fou de joie. Maintenant que j'ai réalisé mon rêve, je l'ai été. Quand j'ai franchi la porte de l'ancienne capitale du Soudan, couverte de poussière jaune, auréolée par les reflets du soleil couchant. Oui, je l'ai été quelques instants, avant que mes yeux ne s'ouvrent et que je découvre la réalité. Une succession de maisons en terre, mal construites, perdues au milieu du sable. Et oui, Tombouctou, la superbe, la mythique, vantée par tant de voyageurs, n'est qu'une grosse bourgade endormie et sans charme. Et dire que j'ai enduré 1000 souffrances, ruiné ma santé, risqué 100 fois ma vie pour ça. Grâce à la légendaire hospitalité des morts, René Caillé trouve facilement à se loger. Le jeune homme surmonte sa déception de Tombouctou en remplissant ses carnets d'observation. Mais la fin tragique de son prédécesseur lui rappelle qu'il ne doit pas s'attarder. Le 4 mai 1828, René Caillé quitte Tombouctou, impatient de rentrer en France. Il décide de traverser le Sahara pour prouver qu'il est bien arrivé jusqu'à Tombouctou. Sous une chaleur accablante, il traverse le désert à pied, épuisé et assoiffé. Après 4 mois cauchemardesques, le 7 septembre 1828, il arrive à Tanger. Vers minuit, il frappe à la porte du consulat de France, où le vice-consul, Jacques-Denis Delaporte, vient lui ouvrir, tout étonné. Que vous est-il arrivé ? Je m'appelle René Caillé. Et je suis le premier Européen à revenir de Tombouctou. De Tombouctou ? Vous vous moquez de moi ? J'ai documenté mon voyage jour par jour. Tenez, ces notes sont le dernier bien que je possède. Je les ai cousues à l'intérieur de ma chemise. Pardonnez-moi ma tenue. J'ai vendu mon pantalon à un muletier qui m'a transporté de Meknès jusqu'ici. Faites voir. Vous êtes entré dans Tombouctou. Oui, monsieur. Mais le gouvernement ne vous a pas aidé. Toutes les demandes que j'ai faites ont été refusées. En désespoir de cause, j'y suis allé tout seul. Seul? Mais quel genre d'homme êtes-vous donc? Je suis personne. Un orphelin, fils de pauvre, qui a hâte de rentrer chez lui après toutes ces aventures. Me permettez-vous de vous serrer dans mes bras? Monsieur le vice-consul, si mon aspect ne vous inspire pas de répugnance, ce sera avec joie. Mon jeune ami, bravo. Vous êtes l'honneur de la France. Impressionné par l'exploit de René Caillé, le vice-consul décide de le cacher au consulat. Pendant que l'explorateur se refait une santé, Delaporte s'active pour l'exfiltrer. Le 27 septembre 1828, l'explorateur, qui a enfin abandonné son déguisement, embarque à bord d'une goélette en route vers la France. Le même jour, Delaporte écrit à Edmé François Jomard, le président de la Société de Géographie, pour lui annoncer l'arrivée imminente du jeune homme. Le 5 décembre 1828, René Caillé est reçu par la Société de Géographie qui prononce un discours à sa gloire et lui remet la récompense de 10 000 francs promise. Le jeune homme devient aussitôt la coqueluche du tout Paris. Dans les salons parisiens, on se passionne pour l'histoire du petit orphelin de la campagne, fils de bagnard, qui a réussi tout seul là où de longues et coûteuses expéditions ont échoué. René Caillé passe l'année d'après à rédiger son journal de voyage, qui paraît en 1830. Mais comme souvent, au succès ne tarde pas à succéder la polémique. Le 15 février 1830, ulcéré, René Caillé se rend à la Société de Géographie, où il est reçu par Edmé François Jomard. Comment allez-vous, mon cher Caillé? Vous venez me voir au sujet de l'article de Barrow, n'est-ce pas? En réussissant là où tous les autres avaient échoué avant moi, je m'attendais à susciter la jalousie. Mais si on m'avait dit que mes ennemis avaient si peu d'honneur, j'en aurais été abasourdi. Je vous en prie, asseyez-vous. Que voulez-vous? Ces malheureux Anglais sont fous de rage. L'idée qu'un Français a réussi sans argent, ce qui leur a coûté pratiquement 30 millions de livres pour rien, leur est intolérable. Mais rassurez-vous, j'ai lu son article paru dans la Quarterly Review et aucune personne de bon sens ne peut croire à ce que Barrow a écrit. Je ne sais pas qui est ce John Barrow, mais c'est un lâche et un menteur. Je vais vous dire, moi, qui c'est. C'est tout bonnement un des plus grands explorateurs anglais. Le Monsieur Afrique des Britanniques. C'est un peu mon équivalent, mais avec des moyens financiers que je n'ai pas, puisqu'il est aussi secrétaire de l'amirauté. Il dit que je ne suis jamais allé à Tombouctou. Et que j'ai participé à un complot pour tuer le Major Ling. Je l'aurais dépouillé de ses notes pour m'approprier sa découverte. Je sais. Je lui ai répondu, pour l'apaiser, que personne ne mettait en doute le fait que le Major Ling est bel et bien le premier Européen à être entré dans Tombouctou. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Nous avons l'explorateur en chair et en os, un beau jeune homme, et le tout Paris se bat pour l'inviter à dîner. Ne m'en parlez pas. Parfois, je préférerais être assis sous une tente au milieu du Sahara que dans les salons parisiens. Allons, ce n'est pas ce que vous disiez quand Delaporte vous a retrouvé à moitié mort sur le pas de sa porte. Songez que vous avez tout à présent. La richesse, la gloire et la jeunesse. Qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant que j'ai retrouvé la santé, j'aimerais repartir en Afrique le plus vite possible. Et avec votre aide, cette fois. Allons, vous n'êtes pas sérieux. Plus que jamais. J'ai des idées pour aller plus loin que Tombouctou. Il faut passer au moins 15 mois dans la ville. Et de là, partir avec une bonne pirogue. Mon ami, je crois que vous délirez. Le paludisme nous a laissé des séquelles au cerveau. Pourquoi ne rentrez-vous pas bien sagement dans votre pays? Vous pourriez enfin vous marier. Le gouvernement se montrera généreux. Je suis certain de pouvoir vous obtenir une rente. Monsieur Jomard, en ce sens, vous avez raison. L'exploration est une maladie dont on ne guérit pas. Je suis hélas sévèrement atteint et je retournerai coûte que coûte en Afrique. Mais si René Caillé est toujours aussi passionné, sa santé a été gravement abîmée par son voyage. Lors d'un séjour dans une maison de repos, il rencontre une jeune femme, Caroline, qu'il épouse. Le couple s'installe en 1831 dans la région de Mosée, tout près de Céleste, la sœur de René. Caroline met au monde 4 enfants, pendant que René est nommé conseiller municipal. Mais cette vie tranquille de notable de province ne lui convient guère. Il multiplie les demandes au gouvernement pour financer une nouvelle expédition, sans succès. Déçu, se sentant abandonné par ceux qui l'ont porté au nu, René Caillé meurt prématurément à l'âge de 38 ans. Il faudra attendre 1854 pour que le général Faidherbe poursuive l'exploration du Sénégal. Mais la conquête de l'Afrique est désormais militaire, loin du profond humanisme de René Caillé. Ce voyageur solitaire était décidément atypique à tout point de vue, comme on peut le mesurer à la lecture de son journal. Depuis mon enfance, pas un jour ne s'est écoulé sans que je me sois demandé « Qu'y a-t-il à voir dans ces régions sur lesquelles les cartes demeurent entièrement muettes ?» Le soleil, les nuages, les montagnes, les rivières, sont-ils les mêmes que chez nous ? S'il y a des hommes dans ces contrées, qui sont ces hommes ? Comment vivent-ils ? N'avons-nous à échanger avec eux que des regards méfiants ? Ou au contraire, se pourrait-il que ceux que l'on appelle sauvages, si différents de nous par le costume et les habitudes, soient en réalité nos semblables, au nom de l'universelle nature humaine ? Si je suis parti au péril de ma vie, ce n'est pas pour retrouver Paris au milieu des sables. C'est pour ajouter modestement ma contribution à l'inventaire de notre planète. Comme on retrouverait des membres égarés de la grande famille humaine. « 1816, René Caillé, l'explorateur de Tombouctou » de Marjorie Philibert. Avec René Caillé, Benjamin Wangermé, Céleste Caillé, Emeline Alix, le baron Roger, Grégoire Mont-Saint-Jean, Lamfia, Abel Abouhaliten, Oulad Marmou, Chris Nyanguna, Jacques-Denis Delaporte, Sacha Petronijevitch, Edmé François Jomard, Xavier de Guibon. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Julien Douminc et Bastien Varigo, assistante à la réalisation Émilie Joquiel, réalisation Cédric Aussire. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur René Caillé avec mon invité l'historien Alain Kella-Villéger. Mais d'abord, Bahoué par Yamé. Bah ouais. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alain Kellat-Villéger, le voyage en Afrique de René Caillé est vraiment extraordinaire. Donc, parti en 1816 de son village des Deux-Sèvres, il a débuté son expédition dans l'Afrique en 1824 et il est revenu en France en 1828 après une éprouvante traversée du Sahara. Mais quelle revanche pour le fils de Bagnard! Oui, en fait, d'abord, il avait fait trois voyages. Ces trois voyages successifs. Et la première fois, en 1816, il est dans l'expédition du... Pour aller au Sénégal. Où il y a le navire La Méduse qui va couler. Mais lui, il est sur un navire qui ne coule pas. Il revient en 1818 et il revient en 1824. Et là, c'est évidemment le grand séjour. Mais là encore, il lui faut presque plus de quatre années pour arriver jusqu'à Tombouctou. Donc, c'est une longue méditation, une longue formation. Parce que ce qui fait aussi l'originalité de Caillé, c'est la volonté de parler arabe, de connaître l'islam, de connaître la culture. Oui, ça a pris un peu de temps pour lui d'apprendre l'arabe. Il y a un vrai travail sur le terrain. Oui. Voilà. Et puis, l'originalité de Caillé, c'est la volonté d'aller seul, enfin par dépit, puisqu'il n'a pas eu les aides qu'il pouvait espérer, et de jouer, j'allais dire, l'insertion et en même temps la visibilité. Il doit être pauvre, mais il doit être visible pour pouvoir être pris en charge, compter sur l'hospitalité musulmane, etc. Donc c'est, et qui plus est, il part sur la planète Mars, parce qu'il n'a pas de carte, il n'a pas d'informations, et c'est au fur et à mesure qu'il élabore finalement son itinéraire à partir des caravanes qui circulent à travers cette Afrique. Il fait le pari d'aller à Tombouctou par la côte ouest, donc en traversant d'abord un peu à l'horizontale, si vous voulez, l'Afrique tropicale humide, et puis en remontant ensuite vers le nord, vers le Sahara, et vers le Niger, dont on ne connaît pas justement le parcours. Voilà. Et puis, en plus, il y a ce déguisement qu'il porte, et il ment, en fait, aux gens qu'il rencontre. Il dit qu'il est musulman, qu'il est... c'est très dangereux comme situation pour lui. Oui, c'est un mensonge qui construit une vérité, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire qui va lui permettre d'être accepté. En même temps, je dis beaucoup de vérité là-dedans parce que il a une connaissance profonde de l'islam, et je pense que très souvent il a une meilleure connaissance de l'islam que les personnes qu'il rencontre. Donc il y a une énorme sincérité chez cet homme-là, et puis surtout une méthode qui est d'ordre ethnographique, c'est-à-dire observer les gens, être au milieu d'eux, et donc se mêler à eux pour pouvoir par la suite témoigner. Parce que Tombouctou, c'est l'objectif, c'est la lune, mais la route pour y aller ne compte pas moins, et parler des gens, de leur vie quotidienne, des femmes auxquelles il s'intéresse. Il a un discours très anti-esclavagisme. Bon, il observe beaucoup de choses. C'est un explorateur, mais c'est surtout pas un simple voyageur et encore moins un conquérant. J'ai dit tout à l'heure que c'était une revanche pour le fils de Bagnard, puisqu'il a réalisé son rêve de partir, mais c'est aussi une aventure qui n'aurait pas pu avoir lieu si ce jeune René Caillé n'avait pas appris à lire. C'est à travers la lecture, à travers les livres, qu'il a eu ce désir de voyager. Alors, lui a beaucoup valorisé l'histoire de son instituteur, Monsieur Mirambeau, qui avait été comme ça l'homme providentiel, qui l'a sorti un peu de sa condition sociale, et ses fameuses lectures, dont celle de Mungo Park et de quelques autres, Vincent Crusoé. C'est aussi un récit a posteriori, où il a fabriqué sa propre mythologie, mais manifestement, et d'ailleurs beaucoup vont s'en servir après pour dire, voyez, le rôle de l'instruction, c'est ce qui permet à un petit gamin du peuple de s'en sortir et d'avoir une belle vie par la suite. De toute façon, il a la conviction que le savoir est la clé de tout et qu'il va y participer par son expédition. Lui, il dit, j'ai essayé d'apporter des connaissances justement à l'Europe et au monde. Ce n'est pas un savant, il n'a aucune formation scientifique avant de partir, il n'a pas fait d'études, et donc son savoir, il va le construire sur le terrain. C'est donc du concret, c'est du solide, mais l'apport, en tout cas, qu'il donne à la science, c'est effectivement... Il y a une vision, enfin, si vous voulez, à la fois, il essaie de donner des informations qui sont d'ordre commercial en disant ça sera utile, et puis il sait que la Société de Géographie à Paris, c'est ce qu'elle attend. Il répond à une commande. C'est aussi un chasseur de primes, quelque part. Il veut gagner une prime, oui, c'est voilà. Ça, il y a une récompense. Donc, il est dans une réponse. Il sait ce qu'on attend de lui. Mais son souci, effectivement, c'est d'apporter une connaissance sur l'Afrique, mais sur l'Afrique des hommes, sur l'Afrique de la diversité. C'est-à-dire que Caillé n'est jamais raciste. Parfois, il est dans l'incompréhension, parfois, il a des préjugés, mais d'une manière générale, il est dans l'empathie. Et c'est aussi ce qui fait son intérêt aujourd'hui. C'est un homme du dialogue et du respect des autres. Dans votre livre, Alain Kellat-Villéger, vous l'appelez un Tintin archaïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ce sont des formules de choc. Mais parce que parce qu'il y a ce côté reporter et jeune homme comme ça, avec sa houppette, un peu ordinaire. Un peu naïf, peut-être. Il y a de la naïveté. Je dis aussi, il y a un petit côté Gavroche. C'est un gamin du peuple. Il part la première fois, il est adolescent. Il a 16-17 ans. Et il a 28 ans quand il arrive à Tombouctou. Donc, c'est un personnage, oui, qui a un côté bande dessinée, si vous voulez, pour revenir à Tintin. Il marche pieds nus et pendant plus de 500 jours, il fait un voyage sans équipement, sans rien. C'est extraordinaire d'ailleurs qu'il soit revenu vivant, puisque voilà, c'était quand même très difficile. D'abord, il avait finalement une bonne santé, parce que quand même, il résiste à beaucoup de choses. C'est un fin observateur, donc il sait calculer quand même les risques qu'il prend, il sait écouter, choisir les bonnes solutions, et notamment lorsqu'il est à Tombouctou, il a bien compris qu'il ne fallait pas y rester très longtemps, parce que le plus dur était peut-être même pas d'aller à Tombouctou, c'était d'en revenir. Oui, parce que Ling, donc c'est l'Écossais qui était venu avant lui, qui était entré dans Tombouctou. Il a été tué. On sait ce qui lui est arrivé. Il a été assassiné à la sortie de Tombouctou parce qu'on l'a considéré comme un traître, comme un espion. Mais le retour, il profite d'une caravane des centaines à la fois de chameaux et d'hommes qui remontent le Sahara. Il fait la première traversée sud-nord du Sahara et il rejoint ainsi le Maroc. Et le plus difficile ensuite était d'ailleurs de quitter le Maroc parce que là, de la porte qu'on entend dans l'émission... Il l'exfiltre. Il l'exfiltre. À la fin, c'est un polar ou un thriller. Parce qu'effectivement, il fallait arriver à le faire partir de là. La fiction s'est terminée par des mots très beaux de René Caillé, où il expose sa vision du monde, une vision très humaniste. Il parle d'une universelle nature humaine, un discours qui peut sembler naïf quand on sait la voie que va prendre ensuite l'exploration de l'Afrique quelques années plus tard. Une conquête militaire qui sera souvent très violente. Caillé n'est effectivement pas ni dans une pensée militaire, ni dans une pensée colonialiste. Il pense commerce éventuellement, mais commerce équitable, en quelque sorte, de part et d'autre. Caillé, il est dans une logique de savoir et de transmission. Et la dernière lettre qu'il a écrite, qu'on connaît de lui, du moins un mois avant sa mort, c'est déjà pour dire « je voudrais bien aller de l'Ouest jusqu'à Zanzibar de l'autre côté ». C'est une vraie drogue, ce désir d'exploration. C'est l'idée qui est exprimée à la fin, mais bien sûr, il se pense en explorateur. Et vous-même, Alain Kélavi-Léger, vous êtes allé à Tombouctou, vous êtes allé sur les traces de René Caillé ? Oui, parce que travaillant sur les récits de voyage, je crois qu'il faut aller sur le terrain. Bien sûr, je suis allé deux fois à Tombouctou et j'ai traversé une partie de la Guinée, du Mali, sur ces traces. On apprend beaucoup, sur les lieux, les lumières, les atmosphères. Et aujourd'hui, la ville de Tombouctou, aujourd'hui, elle est littéralement isolée du monde, encerclée. Le Mali, on connaît sa situation actuelle et elle n'est pas simple pour les Français, en tout cas. Et justement, malheureusement, Caillé, s'il est élu, est mieux connu au Mali, mais il était dans les manuels scolaires il y a encore 10 ou 15 ans. Au Mali ? Bien sûr. Ça faisait partie des textes, des lectures qu'on trouvait dans les écoles primaires. Parce que Caillé dit du bien de l'Afrique. Et c'est pas un personnage suspect, si vous voulez, du point de vue politique ou idéologique. Et d'ailleurs, Aminata Traoré, qui était ministre de la Culture en des temps anciens, valorisait beaucoup René Caillé en disant que c'était un sans-papier à sa façon. Dans les sans-papiers français qui arrivaient en Afrique. Voilà. Merci à Alain Kélavi-Léger, merci à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Antoine Teboul. Pour en savoir plus sur René Caillé, je conseille la lecture de votre livre, Alain Kélavi-Léger, René Caillé, l'Africain, une vie d'explorateur, publié chez Oberon. Et bien sûr, le récit de René Caillé lui-même, Voyage à Tombouctou, en deux volumes, édité chez La Découverte. Voilà, Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends comme toujours avec plaisir vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous reviendrons au XXe siècle en compagnie d'un grand cinéaste français, Marcel Carné. Lorsqu'en 1943, en pleine occupation, le réalisateur entame le tournage de son chef-d'œuvre Les Enfants du Paradis, avec entre autres Arletty, Jean-Louis Barrault, Maria Cazares et Pierre Brasseur, entre dénonciation, marché noir et rationnement, un tournage chaotique qui aboutira à la sortie du film en mars 1945 dans une France libérée. Marcel Carné et le tournage des Enfants du Paradis, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.